Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro du podcast Up. Je suis Francois et je suis accompagné de Machin Truc. Salut Machin Truc. Salut Francois, salut Ephraim. Comment ça va? Salut Ephraim. Salut. Ça va? Ça y est, enfin. Oui, enfin, c'est le premier numéro. C'est ça. Y est. Alors, on a fait un numéro zéro il y a quelques semaines, histoire de tester un petit peu tout ça. On a bien fait, parce que c'était nul à chier. On a reçu des critiques. Légèrement. Tout à fait justifiées. Ah oui, on n'entendait plus rien. C'était n'importe quoi, des gros problèmes de son partout. On espère que ça va aller mieux pour ce numéro-là. Avec même le strike sur le jeu vidéo d'Hideo Kojima. Oui, on s'est pris un petit strike de qui? De YouTube? Enfin de l'auteur. Twitch. De l'auteur même, en fait, de la chanson sur YouTube. Ah, de Hideo Kojima direct. Hein. Ouh, c'est la classe. Grande classe, génial. Super. Très bien. Bon, bah, écoutez, aujourd'hui, on va parler de nous. Voilà, le titre du podcast, c'est « Mais c'est qui c'est Glandu ?» Parce qu'en fait, on est qui pour vous proposer un podcast comme ça? Il y en a des milliers des podcasts sur les jeux vidéo, et nous, on va apporter quoi en plus? Bah rien. Rien du tout. On s'en fout. Nous, en fait, on est juste trois potes, et on va juste discuter avec vous de jeux vidéo. La seule petite différence avec certains podcasts, c'est qu'on est en direct sur Twitch. Donc vous pouvez venir. Vous pouvez venir discuter avec nous, nous poser des questions, et puis participer. On va donc parler un petit peu de nous, de nos jeux vidéo, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Mais on va en parler après, parce que là, pour l'instant, on va simplement parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, Ephraim, à quoi est-ce que tu joues en ce moment? Alors, tu m'as un peu pris au dépourvu, parce que pour dire le truc, c'est que c'est moi qui actuellement host le stream, et donc j'ai plein de trucs sur mon écran. Alors j'ai un grand écran, mais faut pas déconner. Et donc je n'avais pas du tout prévu ma liste. Alors quel jeu j'avais prévu? Moi je vais vous parler très rapidement, en fait, là, donc de D4. Donc c'est Dark Dreams Don't Die. D'accord. Alors, si j'arrive à lancer correctement la bande-annonce, ça pourrait être pas mal. Et c'est fait. Donc, Dark Dreams Don't Die, qu'est-ce que c'est comme jeu? Franchement, c'est juste tout à fait chelou. Le concept du jeu, alors l'histoire, c'est que donc notre personnage principal, bien sûr, ça fait quelques jours que j'y ai pas joué, donc forcément j'ai un peu oublié toute l'histoire. Alors, pour commencer, ça tourne sur quelle plateforme? Alors, c'est sur Steam, Xbox One et peut-être bien PS4. C'est du démat? C'est du démat, je sais même pas s'il y a une boîte, mais en tout cas moi j'ai pris en démat parce qu'il y avait une réduction lors des soldes de Steam. D'accord. Alors, vas-y. C'est une enquête policière, mais c'est une enquête policière qui vraiment a un style occidental. Cependant, dans l'esprit un peu Jap. Donc, d'accord. Comme on peut le voir en fait dans la bande-annonce, il y a des moments où, par exemple, il y a une meuf qui est déguisée en chat qui nous saute à la gorge, et en fait pendant tout le jeu, elle se comporte comme un chat. On ne d'accord. comprend pas pourquoi. Là, on vient de voir justement un styliste avec des cheveux verts qui lui remontent comme je sais pas quoi, avec un mannequin qui est habillé exactement comme lui et il se considère comme le plus grand des stylistes. Enfin, c'est un truc vraiment chelou où ce jeu se base énormément sur les QTE. D'accord. Moi qui suis grand fan justement des QTE, ça tombait juste parfaitement. C'est ironique ou pas ça? Ah non, j'adore les QTE moi justement. C'est, ah d'accord. J'ai aucun souci avec ça. Je suis un grand fan. Et bah depuis que j'ai joué à Shenmue quand j'étais gamin. D'accord. Et l'histoire, c'est que notre personnage, dont je ne me souviens plus du nom, sa femme a été tuée devant lui. Sauf qu'en fait, il a perdu une grande partie de sa mémoire, comme la plupart des personnages de jeux vidéo. Et tout ce dont il se rappelle vraiment, c'est bien sûr de sa femme qui lui dit en fait recherche D. Voilà. D'accord. Et donc il mène son enquête. Donc c'est un ancien flic qui bien sûr a sombré dans l'alcoolisme profond à force de rechercher le meurtrier de sa femme. Cliché, ouais. Voilà. Et donc en fait, pendant le jeu, on va chercher justement ce fameux dé. Et avec la petite particularité qu'on peut se balader avec des mementos. Donc en fait, ce sont des objets qui contiennent une mémoire. Mmh. Et enfin un souvenir, et donc le personnage va se balader dans ses souvenirs pour essayer de trouver justement Dee. D'accord. Tout simplement. Okay. Et particularité, c'est que ce jeu est entièrement en anglais. Ah. Donc. Mais toi, ça te dérange pas ça? Non, pas trop de soucis. À force de jouer à des visual novels, en fait, ça va. Je commence un peu à m'en sortir en fait avec l'anglais dans les jeux vidéo en tout cas. Voilà. Franchement, il y a une démo qui existe, je sais, sur Xbox One, je pense sur Steam aussi. Ouais. Je conseille de la tester parce que ça montre en fait vraiment les deux phases de jeu principales. Ouais. Donc le QTE, bien sûr, qui est assez exigeant quand même, et les phases un peu, on va dire enquête. Où en fait on va se balader, donc il y a plus ou moins un chemin par terre en fait sur lesquels on clique sur les points d'avancée. On va tourner, on va fouiller un peu dans toutes les pièces, on va récupérer des badges, on peut même changer les costumes des personnages, etc. Enfin, c'est tout, voilà. C'est un peu du grand n'importe quoi ce jeu, et je sais pas pourquoi, mais je l'adore. D'accord, donc voilà. Des QTE, le chemin tout tracé, et en anglais. Et en anglais, voilà, tout pour plaire. Génial! Je l'adorais! Ah oui, je sais bien. Combien d'heures de jeu, pour l'instant? Là, actuellement, je suis à 2 heures de jeu, si je dis pas de bêtises, 2-3 heures de jeu. Je pense, peut-être un jeu qui doit tirer sur les 9-10 heures. D'accord. Je pense. Okay. Après, okay. Faut... Une petite quinzaine d'euros, j'imagine, 15-20 euros, pas plus? Je l'ai eu. Oui, tu l'as eu en Steam, en solde Steam, toi? Ouais, et en plus, c'était il y a quelques semaines, donc je me souviens plus trop, mais je crois que c'est, franchement, pour ce jeu-là, ouais, si vous l'avez à 15-20 euros, c'est très bien, même si je crois qu'il est à 35-40. D'accord. Je vais regarder ça tout de suite en même temps. Ok. Très bien. Machin truc. Oui. À quoi est-ce que tu joues? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Monsieur. Depuis le. Dis-nous tout. Le dernier podcast, en fait, j'ai. 15 euros, d'accord. Vas-y, on t'entend pas très fort par contre. Approche micro, ce serait plus simple. C'est mieux là. Ouais, c'est bien. Oh, depuis le dark cut, donc, oula. En fait, c'est trop fort là. Non, c'est surtout que ça hache. Ah, mais. Ok. Donc, je vais y revenir. Donc, depuis le dernier podcast, en fait, j'ai fait 3 jeux. D'accord. Donc, un classique que j'avais précommandé depuis Noël, qui est Uncharted 4 en version collector, que j'ai dévoré. D'accord. Donc, Uncharted, c'est, tu prends Indiana Jones, tu prends Lara Croft, tu mets tout ça dans un shaker, tu mélanges bien, voilà quoi, t'as un superbe mix, enfin c'est un film interactif que les Uncharted, je vais pas revenir dessus parce que c'est, voilà, c'est des histoires à vivre ou à détester, n'est-ce pas François? Oui monsieur, tout à fait. Donc voilà, ensuite j'ai enchaîné avec le Ratchet que j'ai poncé mais limite au-delà de la galette. Donc pareil sur PS4. Donc un très bon jeu de plateforme qui est je trouve dans la lignée des Crash Bandicoot. D'accord. Donc d'Assomniac Games. Donc oui. S'il est papa de Spyro, donc on retrouve la note. C'est ce super jeu de plateforme qui est sorti sur PS1. Et dernièrement, ben j'ai viens de finir de poncer, là j'ai m'attaqué au DLC de Saints Row. Donc j'avais acheté en galette. Lequel? Donc le 4 qui est dernier, Reelected ou un truc comme ça, je me souviens plus de titre. Oui, je crois que c'est Reelected avec tous les DLC. Voilà, et d'ailleurs hier soir, j'avais jamais testé le multi, donc j'ai fait 1h15 de multi avec Grant Shepard, qui est sur le chat là actuellement. Et on s'est bien fondu la tronche, à s'exploser la gueule, à courir partout. Pour ceux qui connaissent pas Saints Row, enfin c'est, tu prends GTA. Et tu le cheats complètement, donc avec des super pouvoirs, des armes perdues sur la tête. Et me concernant, limite avec un nude patch, parce que ma nana se balade limite plus à poil qu'habillé. Donc voilà, donc tu balances des roquettes, un coup tu glaces les gens, tu les électrocutes, tu fais des attentes à la pudeur aussi, enfin bref, tu t'éclates quoi. Donc voilà, c'est... À savoir qu'en fait, à la base, Saints Row 4, c'était censé être, il me semble, un DLC du 3. C'était censé être ça devait s'appeler le DLC Hunter the Dominatrix. Et au final, ils ont vu qu'ils ont fait tellement de contenu en fait sur ce DLC qu'ils se sont dit bon, on va sortir un jeu complet. Donc, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un peu bâtard, mais c'est bien. Ouais. Je l'ai pas payé cher, moi. J'ai payé 20 boules et à l'intérieur, j'avais les deux DLC qui étaient avec. Donc, oui, bon, ça va. Oui, parce qu'il était gratuit sur le PSN le mois dernier, je crois, mais moi, je l'avais acheté avant. Et voilà. Et tu t'es fait avoir. Oh, pff, 20 boules pour... non, parce que t'as le jeu 2, j'ai les deux DLC avec, donc je crois que sur le PSN, tu avais pas les DLC. C'est quoi le jeu qui est sorti là sur le PSN gratos, le PS Plus là? Là, je sais qu'il y a Yakuza 6 ou le 5 sur PS3. Ouais, non, mais le Saints Row qui est sorti, c'était le mois dernier, je crois. Ouais, c'était le mois dernier. Ouais. Je crois que Ephraim, tu m'avais dit que c'était pas le jeu en fait. Je me souviens plus du tout, mais si tu me dis ça, c'est que ça doit être certainement le DLC Gatsy Out of Hell. Oui, ça doit être ça. Et c'est un DLC. En fait, c'est pas un DLC. On peut y jouer sans jeu. C'est un standalone. D'accord. Voilà. Mais c'est vraiment une version minimaliste de de Saints Row, où en fait c'est Gatsy qui est un personnage à la base du 3. Oui, si j'ai pas de bêtises, à la base, c'est un personnage du 3 qui meurt, mais dans les 30 premières minutes. Sachant que je crois qu'il était dans les précédents aussi. Et en fait, on t'apprend durant le 4 qu'en fait, il était pas vraiment mort. Mm-hmm. Et là, dans le... Donc, Gatsy Out of Hell, il va... J'en ai marre de dire son prénom. donc, le personnage principal que tu crées, etc., dans Saints Row 4, se fait enlever par le démon des enfers. Pour qu'il puisse épouser sa fille. D'accord. Et Gatsy va rechercher donc en fait le boss en enfer. Donc ça va se passe vraiment uniquement donc en enfer et avec donc non plus des super pouvoirs comme il peut y avoir, mais plutôt des pouvoirs démoniques dans le jeu. Le problème c'est que moi j'avais trouvé lassant mais au bout d'une heure. Au bout d'une heure, je me suis fait chier. J'ai trouvé que ça bouclait un peu trop le gameplay. Et je l'ai fini, mais juste pour voir la fin, quoi. Pas vraiment par plaisir, c'est ça le problème. Et alors, tu l'as fait aussi, machin truc, celui-là ? Non, j'ai fait que l'histoire principale. Bah déjà, j'ai fait 35 heures, je crois, dessus. Uniquement pour finir la carte. Ah, bah, l'histoire principale, toutes les missions, le fait de faire toutes les activités annexes, les trucs, les arnaques à l'assurance, où le but c'est de te cracher sous les bagnoles, puis de rebondir un maximum sur les bagnoles, de faire un maximum de carnage aussi, enfin bref. Non, c'est n'importe fondant. Quoi. Mais voilà. C'est rigolo. Mais t'as des mini-jeux vachement sympas, par exemple c'est la fraude à l'assurance, ou tout ce que tu vas faire. C'est ça. Ce que tu fais, c'est... Tu sais, comme tu peux voir... À la russe. Voilà, c'est à la russe. C'est tu fonces vers les bagnoles pour t'éclater dessus, etc., pour recevoir l'argent des assurances. Voilà, d'accord. C'est un mini-jeu et tu dois atteindre plusieurs milliers de dollars d'assurance, quoi. D'accord. T'as aussi un mode de jeu, c'est... en fait, tu te balades avec... le but du système, c'est que t'as des ronds avec des icônes dessus. Dans un premier rond, tu dois jeter des gens. Sur le deuxième rond, des têtes de chats animées. Sur le dernier, des carcasses de bagnoles. Et t'as ça aussi pour la période de Noël où toi tu balances des sapins, des chandeliers juifs et des gâteaux de Noël à travers des cercles. Enfin, le truc est complètement barré. D'accord. Krant qui dit justement c'est Gat out of Gat to Hell en fait et pas Gatsy. Et c'est un défaut de mémoire tout simplement. Donc il s'appelle juste Gat. Voilà. C'est Gatsy, c'est autre chose, c'est un chat. Ouais, bah, c'est certainement. Ouais. Bah, du coup, tu nous as balancé tous tes jeux là. Je voulais faire l'un après l'autre. Non, il a tout. En fait, t'as tout. Non, j'en ai d'autres aussi Mais je reparlerai de la Xbox 360 aussi qui mérite un petit détour. Ouais, un petit peu plus tard. Ça marche. Le moment à la con du jour, quoi, la loupe. C'est clair. Ok, ben moi j'ai joué à 3 jeux là dernièrement. Sur émulateur? Non, je ne joue pas que sur émulateur, monsieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas lancé un émulateur en plus. Depuis que j'ai ma PS4. Et j'ai acheté No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu génial. Oh le putain. Les 3 premiers jours. Ah voilà, je me disais aussi, je me disais qu'il y avait une arnaque, c'était pas possible que t'aimes un jeu. Les 3 premiers jours, je vous jure, ce jeu est magnifique. Il est donc c'est un jeu en fait de d'aventure, d'exploration spatiale. La particularité en fait de ce jeu-là, c'est que quand on arrive dans un système solaire, En fait, dans la galette, il n'y a pas une seule planète dedans. C'est-à-dire qu'il y a simplement comment le jeu fabrique les planètes. Donc, quand tu arrives dans un système solaire, le système solaire se crée automatiquement, de manière procédurale. Et après, à partir du moment où on découvre des choses, tout ça, c'est sauvegardé sur le serveur du Hello Games, hein, apparemment, l'éditeur. Et voilà. Et du coup, en fait, il y a un univers comme ça qui est en train de grossir au fur et à mesure que les joueurs y jouent. Et tout est créé de manière procédurale. Là, à mon avis, il y a quelque chose de pas mal, mais il y a quelque chose de technique. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un jeu qui aurait fait un bel effet dans des salons spécialisés dans les technologies, dans la technique. Mais c'est pas un jeu que tu vends au grand public, ça. Ça, c'est un jeu, ouais, technologique. Parce qu'on fait, au final, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. L'objectif est d'arriver au centre de l'univers. Mais honnêtement, donc, les trois premiers jours, bah, tu visites des choses. Enfin, tu visites des planètes, tu découvres des plantes, tu découvres des animaux, tu découvres des dialectes, tu découvres des extraterrestres, etc., etc. Donc, tu peux découvrir un petit peu tout ça. L'objectif, en fait, aussi, c'est de récupérer des minerais, en fait, pour pouvoir... Enfin, il faut farmer, en fait, hein, à mort. Voilà, pour pouvoir revendre, pour pouvoir réparer des trucs, pour pouvoir acheter, enfin bon. Mais en fait, au final, c'est vide. C'est vide, il n'y a rien. T'as des planètes qui sont, par exemple, hyper, comment dire, hyper trop chaudes, voilà, qui font 100, 150, 200 degrés. Donc tu sais que, en fait, bah, il va pas falloir que tu t'éloignes trop de ton vaisseau, sinon tu vas cramer sur place. Donc il va falloir chercher des minerais à côté, mais pas beaucoup. Ou alors il va falloir que tu développes une combinaison qui résiste aux fortes chaleurs, etc. Le truc, c'est que non, en fait, tu vas sur la planète d'à côté. T'auras exactement les mêmes minerais et en fait il fera 20 degrés. Voilà, donc c'est complètement con, en fait. T'as pas de challenge aussi. Mais voilà, il n'y a pas tellement de challenge. Le truc, moi ce qui m'a fait. Le moment où j'ai lâché l'affaire, parce que j'ai lâché l'affaire, c'est à un moment tu trouves un trou noir. Donc j'étais sur une planète. Ah, j'ai cru que t'allais dire, je suis dans le cerveau d'Evangélie, un trou noir. Presque. Pas loin. Non, j'étais sur une planète avec donc il y a des bâtiments. Je pars de la planète, je rentre dans le trou noir, je parcours une distance de 30 000 années-lumière, je crois. Je sors, j'arrive, je vois des planètes, je vais sur la première planète. Et ben au final, je retrouve exactement la même chose. En fait, les planètes, elles sont générées aléatoirement, donc. Ah, il y en a, il y a plus d'eau dedans, il y a plus de forêt, et des fois c'est plus aride, etc. Mais les bâtiments sont exactement tous les mêmes. Donc tu peux, dans tout l'univers, c'est tout pareil. Du coup, moi ça me fait carrément sortir du jeu. J'ai plus tellement envie d'y jouer, il n'y a aucun intérêt. Et alors, ça c'est la première chose qui va pas. La deuxième chose qui va pas, c'est que c'est une putain de bêta, quoi. Moi maintenant, j'y joue. C'est systématique. Dès que j'entre en hyperespace et que, en fait, l'hyperespace, ça fait un peu comme dans Stargate. Ah, quand tu prends la porte des étoiles, ça fait. Et en fait, c'est à ce moment-là, ça fait une espèce de temps de chargement. Et je pense que c'est à ce moment-là que le système solaire est en train de se générer. Sauf que moi, à chaque fois, ça fait erreur C93, je sais pas quoi. Veuillez envoyer l'erreur à Hello Games là. Et puis hop, ça me revient sur la page d'accueil de PS4. Et c'est systématique. En fait, et je suis pas seul. Le truc, c'est que le proco n'arrive pas à charger autant de planètes, parce qu'en fait, je pense qu'il doit les charger au fur et à mesure de ton avancée, sauf que si tu rentres Il les charge pas, il les crée. Ouais, non, je veux dire, quand je dis charger, je veux dire créer. Mais en fait, à partir du moment où tu rentres en, on va dire, hyper vitesse, c'est que, en fait, il doit créer tout l'environnement qu'il y a autour de là où tu vas atterrir, et donc, en fait, le proco n'arrive pas à suivre, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, exactement. Putain, pour moi, c'est ça. Oh la merde, pas possible. Mais en plus, ce jeu-là n'avait pas été repoussé pendant pas mal de temps. Si. Ça, c'est une merde qui coûte 70€. Hein. Ouf. Donc ça pique. Ça pique fort. Je suis très déçu. Alors, il y a deux solutions pour la suite, mais moi, j'attendrai pas. Hein, parce que je vous le cache pas, le truc est sur eBay déjà. Mon jeu est sur eBay. Il y a deux solutions. De toute façon, il va falloir qu'ils fassent des mises à jour pour améliorer la stabilité du jeu. Après, il va falloir qu'ils fassent des mises à jour pour ajouter du contenu. Donc, soit ils font des mises à jour, le contenu sera intéressant, soit ils font pas de mise à jour, et dans un an, on a un No Man's Sky 2. Ouais. Ça, c'est bien, c'est fort possible. Et je pense que ça, on s'est fait baiser. Voilà. Pas surtout toi, non, dans l'histoire. Oui. Il a fixé qui demande pourquoi tu l'as acheté Day One. Parce qu'il me faisait vraiment envie. Parce que c'est un des rares jeux qui me faisait envie et je me suis pas tellement renseigné. En fait, j'ai un peu joué à un jeu qui s'appelle Elite Dangerous sur PC et qui est un peu la même chose. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que Elite Dangerous, c'est presque deux jours de formation pour pouvoir atterrir. Là, t'appuies sur le bouton carré et t'atterris. Bon, c'est pas ça le truc. C'est un superbe jeu de contemplation. Il y a pas de problème. Il a beaucoup de qualité ce jeu, mais les défauts sont beaucoup trop importants pour pouvoir y jouer simplement. Pour devenir intéressant, en fait, il est pas assez voilà. Abouti quoi. Voilà. Non, vraiment, c'était à l'E3, j'avais vu des images et ça m'avait vraiment donné envie. C'est vraiment un truc que je fais jamais. Bah moi c'est je le ferai plus. À force d'en entendre parler etc, j'ai commencé un peu à avoir la hype par rapport à ce jeu, voilà. Mais le truc c'est que je me suis dit, c'est vu que c'est tellement vaste qu'il va forcément y avoir un moment où je vais me faire chier et donc j'ai vu justement la rediff que t'as du live que t'avais fait sur tes premières heures, ouais. Et je pense que j'aurais même pas quitté la planète avant de me faire chier personnellement quoi. Ouais, mais en fait c'est ça le truc, c'est que au bout d'un moment tu commences donc tu apparais à côté de ton vaisseau qui est en panne. Il y a de la fumée qui sort et tout. Donc rapidement tu checkes un petit peu le vaisseau, tu te rends compte qu'il y a des pièces qui sont défectueuses et il faut que tu récupères du minerai pour pouvoir réparer tout ça. Donc tout ça, ça se fait assez naturellement, même si moi j'ai un peu galéré et qu'il y a des gens qui m'ont quand même aidé sur le chat. Mais ça se fait assez naturellement. Et ben, quand t'as compris ce système-là, le jeu est fini, terminé. Il y a plus aucune découverte. Après, ça fait c'est que de l'exploration après quoi. La découverte, elle est uniquement là-dedans. D'accord. Que de l'exploration. Et problème, encore une fois, des planètes qui sont générées comme ça, c'est que tout se ressemble. Au final, tout se ressemble très très vite. Et est-ce que tu peux avoir des interactions avec des PNJ autres que les monstres? T'as plus ou moins que t'as des races extraterrestres, donc tu peux un petit peu interagir avec eux, mais ça pisse pas loin quoi. Ouais. Ça pisse pas loin, disons que en fait ils ont créé un petit peu une histoire avec, enfin il y a même pas d'histoire finalement, c'est juste l'histoire des races extraterrestres, etc. Mais on s'en fout, enfin ça n'aboutit à rien. Alors peut-être que c'est moi aussi hein, qui n'ai pas joué assez, mais bon, j'ai joué une bonne semaine et puis ou alors c'est beaucoup trop long à se lancer. Mais non, à mon avis, il y a rien. En fait, ce jeu-là aurait été un jeu absolument génial en multi. Et ouais. C'est ça. Pour moi, ce jeu-là, c'est un jeu qui aurait dû être développé pour le multi. Je vois pas le délire du truc solo à découvrir. Il y en a qui ont été un peu plus loin que moi, hein, qui ont pas lâché l'affaire, mais moi c'est bon. Parce que ouais, c'est, s'ils avaient poussé le côté multi, etc. Là, je viens de faire une petite recherche pour essayer de retrouver le nom, mais en fait, ça aurait pu ressembler à un Starbound en fait. Ah, je connais pas. Est-ce que tu vois Terraria? Oui. Starbound en fait, c'est on va dire presque une suite qui se passe vraiment de façon spatiale où tu as ton propre vaisseau, tu vas de planète en planète pour récupérer des minerais, des plein d'affaires, etc. Construire du mobilier même, améliorer ton vaisseau, construire ta propre base sur la planète. Tu as des interactions amicales et non amicales avec justement des monstres et des PNJ humanoïdes, on va dire. Ouais. Et c'est tout à fait jouable justement en multijoueur. Et donc c'est là que ça prend vraiment son intérêt, ce genre de titre, quoi. Parce que c'est multijoueur. D'ailleurs, je te conseille, si t'aimes bien le côté spatial, etc., je te conseille de te pencher dessus. D'accord. Ok. Grand Shepard demande dit se sentir seul dans l'immensité peut être des paysans. Oui. Pendant 3 jours. Voilà. Où t'habites chez moi? Vraiment, tu habites dans la campagne profonde de la Creuse. Non, mais voilà, c'est oui, non, mais c'est sûr. Hein, moi, j'ai été vraiment pendant 3 jours, j'ai été un peu ébahi, un peu. C'était vraiment magnifique. Ouais, c'était l'effet waouh, quoi. Voilà, c'est ça. C'était vraiment magnifique. Et puis, franchement, enfin, à force de planter, au bout d'un moment, j'hésitais à allumer la console pour jouer à ce jeu-là, parce que c'est con. En fait, même si c'est pas transcendant, à un moment, t'es quand même dedans. Et tu te dis, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Et puis, quand ça te sabre, comme ça, en plein milieu, et qu'elle se dit, erreur, tu arrêtes, tu recommences. Ouais. Ah, bon, ok. Alors, il y a beaucoup de sauvegardes. Il y a beaucoup de points de sauvegarde. Donc, en fait, quand ça crache, tu perds rien, en général. Mais ça crache. C'est pas normal. En fait, en plus, la galette, en fait, ils te la vendent, elle est vide, en fait. Elle est vide. Parce que tout se passe sur un serveur. Sur la galette, c'est le programme qui te permet de générer tout ça. Ouais, donc c'est en fait, la procédure, en fait. En fait, ça passe son temps à distribuer de ta console au serveur, du serveur à ton console, quoi. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, je pense que ça doit les garder en mémoire, dans la mémoire, je sais pas, une mémoire RAM, ou je sais pas. Oh, je sais pas trop comment ça se passe. Mais non, ça se passe pas. Je pense pas que ça se passe comme ça. Ouais. Parce qu'après, il y a un système où tu découvres. Les planètes, et tu dois en fait les envoyer justement un peu manuellement au serveur, quoi. D'accord. Et la dernière blague, la mise à jour Day One. Ah, mise à jour Day One, bah ouais, tu mets la galette dans la console et bim, 800 MO de, ah, ça de va. Mise à jour. Non, il ouais, y a eu pire. Hein, ça pique, mais ouais, non, mais il y a pire, d'accord, mais enfin, ça reste une version bêta, hein, je suis désolé. Ah ouais, de toute façon, j'ai jamais craint, enfin, pour moi, c'est inadmissible d'avoir une mise à jour Day One. Ah ben on est d'accord. Bah, je crois que c'est Bruno donc du podcast Broadcast dans l'épisode 2 que j'ai écouté aujourd'hui justement disait par rapport à The Evil Within. Oui bah ça. Il y avait le patch Day One et il disait je suis tout à fait d'accord avec lui le mec qui dans 10-15 ans va acheter sa PS4 d'occasion pour pouvoir faire un vieux jeu qui s'appelle The Evil Within. C'est mort. En fait si les serveurs sont fermés. Enfin, c'est parce qu'il viendra un jour où les serveurs vont fermer. Le truc, c'est que il aura pas la mise à jour des One et il va se retrouver avec le jeu bêta, quoi. Ou alors c'est il faut toutes les consoles, hein, que ce soit ouais, PS3, ça, hein. 360 ou. Bien sûr, quoi. Mais c'est ça, ou alors il faudra attendre la version Game of the Year ou version définitive ou je sais pas quoi pour avoir ça. Ouais, voilà. Non, parce que même moi, toi, sur le Tomb Raider Definitive Edition, j'ai un patch de mise à jour. C'est génial. Définitif, mais pas tout à fait. C'est voilà. Ça. C'est une connerie, hein. Il doit faire même pas 100 mégas, mais le truc, ça m'a quand même fait rigoler. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Bref. Définitive, mais presque. Ephraim ? Oui. Autre chose ? Alors, cette fois-ci, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. Allez-y, les petits gars. D'accord. Tu t'intéresses vachement au jeu dont je vais parler, toi. Sympathique. Alors. En même temps, tu parles de QTE. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, balance. Donc cette fois-ci, moi, je vais vous parler donc de Zero Escape 3. Donc en fait, c'est le troisième jeu de Zero Escape qui s'appelle donc Zero Time Dilemma, qui est donc un visual novel qui est actuel, qui est, enfin, c'est un jeu qui est sorti il y a un mois ou deux. Deux mois, je crois. Alors, excuse-moi, tu parles de quoi? Zero Escape 3, donc Zero Time Dilemma. Un visual novel entièrement en anglais, donc je précise tout de suite, hein, qui est disponible à la fois sur Steam, Vita, parce qu'elle est encore à peu près en vie, et la 3DS. Mm-hmm. Donc moi, j'ai pris personnellement sur 3DS, parce que c'est la console que j'emporte le plus facilement partout, et que j'avais fait donc Zero Escape 2, qui s'appelle Virtue Last Rewards. Et donc c'est un visual novel qui est assez qui est dans la mouvance justement des univers inspirés de Saw, on va dire. Donc de Saw, d'accord. Où en fait ce sont des personnes qui se font enfermer dans un endroit et vont devoir essayer de s'en sortir. Ouais. Donc l'histoire de celui-ci, c'est donc 9 personnes qui participaient à une expérience pour savoir si des personnes peuvent cohabiter ensemble dans un même complexe sur Mars. Donc c'était vraiment une expérience sociologique pour laquelle ils recevaient de l'argent pour ça. Cependant, au bout d'un moment, ils se font tous simplement enlever, envoyer dans un complexe et séparer en 3 équipes. Et le but du jeu, c'est la porte, enfin les portes s'ouvriront à partir du moment où les gens auront réussi à avoir 6 mots de passe. Et un mot de passe sera donné à chaque fois qu'une personne meurt. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. C'est joyeux. Tout à fait. Mais là où en fait le jeu prend vraiment tout son intérêt, tout comme justement les précédents, c'est un jeu à choix multiples. Mais vraiment un nombre hallucinant de choix possibles. Et bien sûr, il est possible de revenir à tout moment, via un écran, directement à des choix que l'on a fait précédemment. D'accord. Pour voir l'embranchement. Et de toute façon, c'est exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir à finir le jeu. On ne peut pas le réussir d'une traite. Il faut à chaque fois revenir sur ses choix pour avoir toutes les fins disponibles. Alors je crois qu'il y en a, sans compter les game over stricts, il y a 8 fins différentes. Ouais. Sachant que si je dis pas de bêtises, en comptant les game over, on doit s'approcher des 15-16, quelque chose comme ça. Donc ce jeu se base vraiment sur tout ce qui va être les choix, bien sûr, et aussi les grandes séquences qui vont prendre énormément de temps en dehors de la parlotte, parce que ça ouais. parle énormément. La moitié du jeu, ça va parler. Donc la moitié du jeu, c'est un simple roman. Ça va être en fait de sortir d'une pièce. Donc c'est vraiment de l'escape game comme on peut en faire en vrai maintenant, où les personnages sont enfermés dans une pièce, doivent résoudre des énigmes dans cette pièce pour réussir tout simplement à sortir. Et t'as jamais loupé ton arrêt de bus avec ce genre de truc, parce qu'à mon avis, quand t'es fond dedans, tu le dis, ah bah merde, je devais descendre avant. pas sur celui-ci, sur le précédent, oui. Ça m'est arrivé justement de louper ma station de métro et de m'arrêter sur la suivante. Et comme un con. Mais c'est pas un drame, mais ça va. Je prends généralement en fait le chemin le plus long pour arriver à l'heure. Et ce qui fait que j'ai largement le temps de pouvoir jouer, c'est beaucoup plus simple. En plus, il y a moins de monde. Mais bref, d'accord. Ça on s'en fout. et donc c'est un jeu qui m'a pris, je crois, oh mince, je crois 25 heures, 25 ou 30 heures, ouais. juste pour pouvoir réussir à le finir. C'est pas mal. Et c'est juste vraiment excellent. La petite particularité de ce jeu-là par rapport au précédent, c'est que dans le précédent, on continuait tout le long, en fait, parce qu'en fait, c'est... Là, je vais couper vite fait la bande-annonce pour vous montrer, en fait, un aperçu de l'arbre des choix. Le temps que ça s'affiche. Voilà. Alors, c'est une petite image. Hein, voilà. Tac. Voilà. Là, vous voyez, en fait, vraiment, donc, tous les embranchements, enfin, la plupart des embranchements que vous allez avoir. Chaque rond correspond à une séquence, donc, soit de la lecture, soit un choix, soit, sortir d'une pièce. Alors, vous qui écoutez le podcast en MP3, regardez bien l'arbre des possibilités. Oui, tout à fait. Mais c'est pas grave. Ça motive les gens à venir sur Twitch. Venez sur Twitch. Voilà, venez sur Twitch, venez sur YouTube, n'hésitez pas. Tout à fait. Non, Grant, il n'y a pas de QTE. Mais presque. Il y a des fois des choix où, en fait, on a un temps pour pouvoir y répondre. Mais généralement, étant donné que c'est du 15 secondes, ça va. Je pense que même, Mamie Arthrite devrait réussir à appuyer sur un bouton en 15 secondes. Vous voyez, il y a des séquences qui sont en vert, d'autres en bleu, d'autres en rouge. Ça correspond, en fait, à chaque fois à une équipe. Et vous n'allez pas jouer donc la continuité de tout l'arbre du choix. Vous allez jouer toute une séquence parce que vos personnages vont se réveiller et vont se rendormir grâce à un truc qu'ils ont dans leur bracelet. Vous m'arrêtez si je suis pas clair. Stop. Est-ce que je peux t'arrêter il y a 10 minutes? Oui, vas-y, vas-y. Pose des questions, ça sera, je pense, beaucoup plus simple. Remonte l'arbre du temps. En gros, ce jeu n'est pas linéaire. À chaque fois, on va revenir D'accord. en arrière, on va avancer, on va voir des choses que tu n'as pas. Et donc, c'est intégré dans le jeu. Et c'est intégré directement dans le jeu. Parce qu'en fait, tu choisis quelle séquence tu vas jouer, mais tu ne sais pas à quel moment du temps se trouve cette séquence. D'accord. D'accord, ça peut être intéressant. Si j'avais commencé à dire ça comme ça, ça serait mieux passé. Ok, est-ce que tu peux nous rappeler le nom du jeu? Alors, c'est Zero Time Dilemma. Okay. Disponible sur Steam, Vita et 3DS. Et exclusivement en anglais. Exclusivement en anglais, bien sûr. Machin truc, est-ce que tu joues encore à d'autres trucs? Un petit peu sur 360, mais je crois qu'on n'a pas eu le temps de choper les annonces parce que c'est vrai. Bon, on va venir sur les 360. On t'entend pas, hein, on t'entend plus du tout là, il y a un problème. Là, attends, tu passes en mode robot. Tu bouges de trop, je pense que ton câble bug un peu. Non, non, le câble est bon. C'est bon, c'est bon, là c'est bon. Bon, je dis quand je reviens sur l'épisode. Non, c'est plus bon. Attends, bouge pas, je débranche et je rebranche. Bon, bah, moi je vais vous parler de mes jeux, mais on va faire rapide, hein, parce que là du coup on va faire l'épisode là-dessus. Hein. Moi je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances et je voulais un jeu sur 3DS. Je voulais une belle aventure, je voulais quelque chose de bien, de fun et de pas compliqué. Et bien tu parlais du broadcast tout à l'heure, hein, du podcast de Bruno et Julien. Eh bien ça faisait deux épisodes qu'ils parlaient de Zelda, le Between Worlds. Moi, pour moi, mon Zelda préféré, c'est le Link to the Past. Ce jeu est formidable. Et pas juste les trois premières heures. Pendant tout le jeu, il est formidable. Et il est vraiment bien, vraiment cool. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver cette plaine d'Hyrule. Le jeu est jamais difficile. J'ai lu sur certains tests que il y en a qui lui avaient enlevé des points parce que le jeu était pas très long et pas très difficile. Moi, je trouve que c'est juste parfait, en fait. J'y ai beaucoup joué pendant les vacances. Après, j'ai repris le boulot et puis j'y ai rejoué encore un petit peu. Là, je suis au boss final. Ça fait un mois que je l'ai, quoi. Donc, c'est parfait, c'est très bien. J'ai jamais été bloqué. T'es assez lent sur les jeux vidéo, toi. Moi, oui. Ah oui, oui, carrément. Ah, mais moi, je peux mettre plus de 2 ans à faire un jeu. Hein. D'accord. Ça ouais. Pose pas de problème. C'est pour ça que moi j'aime les jeux. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, et puis j'ai acheté aussi, après ma déconvenue No Man's Sky, j'ai acheté Sleeping Dogs, l'édition définitive. Alors j'ai pas eu depuis de mise à jour, mais voilà, je connaissais de nom, hein, simplement. Je suis pas fan de ce genre de jeu-là. J'aime pas trop les mondes ouverts parce que c'est trop long pour moi et que je mets des années à les faire. Et ben celui-là, peut-être que je le finirai pas, mais en tout cas, l'ambiance et le délire est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment le héros. Ça fait très Chow Yun Fat dans les films de John Woo, les premiers films chinois. C'est super, c'est génial. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Donc ça, c'est les jeux que je voulais vous présenter. Machin truc. Est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là. Chaussettes. Non. Voilà. Si, ouais, si. Ouais, chaussettes. C'est bon, ça alors marche. Voilà, ne bouge plus. Voilà. Et parle-nous de ta console magique. À la 360, toute une histoire. Vas-y, parle un peu plus fort si tu peux. Voilà, c'est mieux là, non? Ouais, tiens. Donc la 360, une console que, entre guillemets, qui commence à avoir son petit âge, hein, maintenant la petite grand-mère, la génération précédente. Et un midi, tranquillement, pendant ma pause d'âge au boulot, quand Pokémon Go n'était pas encore sorti, je vais faire mon petit tour pour digérer mon gros McDo que j'avais bouffé. Et je rentre dans un Micromania et je vois les Xbox 360, les modèles FAT à 49€. L'occasion et les entre guillemets les slim 4 giga à 99. Bon, je me dis bon ben on va tester, hein. De toute façon à ce prix ce serait con de refuser, sachant qu'il y avait quand même quelques belles exclus que notre cher ami Ludo Wildcat nous a fait couvrir, notamment Alan Wake. Donc je me suis dit c'est l'occasion de faire t'entends plus de... là. Ouais, ça bug vraiment, c'est ça bug. Bah ouais, ah putain, je sais pas pourquoi. Contrôleur de caméra. Attends, si j'ai changé le micro, je vais mettre le micro de la webcam. Marche, ouais. Ouais, donc je disais la 360, donc à 99€, donc je me dis banco, je vais la prendre, hein, ça coûte rien à ce prix-là, faire quelques exclus, donc je la ramène, je la branche, et misère, impossible de la connecter au Xbox Live, de créer un compte, la console ramée, la manette était dégueulasse, mais à un point où les joysticks restaient coincés et les boutons, j'en parle même pas. Donc le truc, toi, la console, toi qui as trop joué à FIFA ou Call of, avec les, toi, le retour de force du joystick est complètement bousillé. C'est la manette à la chips, quoi. Voilà, quoi. Surtout que sur une console qui est censée être reconditionnée et garantie 6 mois, tu te poses des questions. Donc ouais. J'ai dit, on m'a de la merde, je la ramène et je vais voir s'ils en ont une autre. Oui, puis c'est chez Micromania, on n'est pas chez PP non plus. Voilà, c'est pas non plus une console que t'achètes au bon coin, tombée du camion ou au fin fond d'une vieille R5 toute pourrie dans une cité, quoi. Donc je la ramène, bon bah pas de bol, ils en avaient plus. Donc je demande à me faire rembourser, j'ai dit bon bah tant pis, hein, ce sera pour la prochaine. puis le lendemain, j'ai dit, bon, ben, je vais me promener. Il y avait un petit cache qui était pas très loin non plus de mon boulot un soir. Je me dis, bon, ben, je vais voir s'ils en ont. J'ai de la chance, ils en ont. Au même prix, dis donc. Donc, je la prends. Le soir, j'avais pas le temps, vu que j'étais invité, donc je la branche le lendemain. Et bonne surprise, pas de disque dur. Mais carrément, pas de disque dur, voilà, le disque dur a été enlevé, quoi. Voilà, ouais, donc le lendemain, je retourne au cache et donc j'explique mon commandeur. Il m'a dit que toutes les One Slim 360, 320 et 250 gigas qu'ils avaient en stock ont été toutes retirées sauf la mienne parce qu'il y a un de leurs vendeurs qui s'est barré avec tous les disques durs au moment de se faire lourder. Ça, c'est génial, franchement, comme histoire, quoi. C'est trop bon. Voilà, toi, tu as pu mettre les mecs. T'aurais pu mettre les nids. Donc, voilà. Mais j'ai pas désespéré, hein. J'ai continué. Mais cette fois-ci, j'ai dit fuck tout le monde. Fuck la les console, 40 euros ou les 50 euros. Voilà, je l'avais pris directement sur le site de Microsoft. Donc, elle est à 249 euros, mais avec 100 euros de remise. J'ai les derniers modèles, donc ultra slim, donc super silencieux, disque dur 500 gigas, une manette neuve, Forza Horizon 2, et je l'ai payé 149 euros. Voilà. Et elle fonctionne. Oh ouais, génial. Et tu peux créer un compte. Voilà, ouais. Et donc là, j'ai écouté donc Forza Horizon 2, qui est juste magnifique. Donc un jeu de course vraiment excellent, quoi. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est le digne successeur de Gran Turismo, quoi. Gran Turismo, entre guillemets, va mieux pour en parler parce que je pourrais chier sur la licence un genre de gastro aigu. Et j'étais commencé aussi bientôt, ouais. Gear of Wars, qui est magnifique, un peu lourd, j'ai l'impression de trimballer un char d'assaut. Donc, sachant que j'ai 20 quiches sur PS3, je vais attendre de finir Gears pour comparer avec les 20 quiches. Donc, voilà. J'ai eu une petite bévue, moi, comme ça aussi, quand j'ai acheté ma PS3 il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Même enseigne, hein, aussi Micromania. Où en fait quand j'ai reçu la console, j'avais acheté avec The Last of Us. Ouais. Et donc séquence de début, en fait, on joue donc la gamine qui vient de se réveiller, etc. Et je trouvais qu'en fait les mouvements de la fille étaient assez réalistes parce que très fatiguée, du mal à se déplacer, etc. Et en fait c'était juste mon joystick qui était à moitié foutu. Parce que tu sais, non, mais le pire, c'est que c'est tombé, mais juste parfait, tu vois, la gamine est en train de se réveiller, donc forcément, c'est un peu difficile, tu vois, de la diriger. Pour moi, c'était tout à fait logique. Ouais. Mais en fait, non, j'ai testé avec d'autres trucs, et c'était exactement le même problème. Puis même quand je continue un peu le jeu, tu dis, merde, il commence à y avoir un souci. Je suis allé une première fois voir le mec, il a pris la manette, il a regardé, il a foutu sous son comptoir, il en a sorti une autre, il me l'a passé, tu sais, même pas en testant ni quoi que ce soit. Cette fois-ci, en fait, t'avais, je crois que les gâchettes à l'arrière ne fonctionnaient même plus. Putain, c'est pas vrai. Et j'ai dû aller, en fait, dans une autre boutique, donc cette fois-ci directement sur Paris, pour expliquer tout le cas, tout le problème, en fait, au mec, et j'ai demandé directement à tester en magasin la manette sur une de leurs consoles qui était... D'expo. Qui était là. Et donc là, j'ai pu vérifier qu'en fait, ça fonctionnait correctement, quoi. Donc, n'allez pas chez Micromania. C'est ou non, demander à tester. Ouais, c'est ouais. Ça. Mais ça, tu peux pas. Pff, en théorie, ils sont censés. Achetez vos consoles neuves. Oui, voilà. Aussi. Faites pas chier. Voilà, exactement. Non, moi, ce que j'avais fait, moi aussi, j'avais une PS3 FAT 80 Go lorsqu'elle a cramé au bout de 8 ans, parce que moi. La Serra 3 m'a fait un lecteur Blu-ray. J'avais le Play TV aussi pour en permettre d'enregistrer des émissions de télé vu que j'habitais Paris mais j'avais seulement 1 Mbps de débit. Donc je payais le même prix mais que tout le monde mais sans les accès internet donc c'était cool. Donc je m'en servais pour enregistrer des émissions que je pouvais pas regarder la veille. Donc quand elle a cramé, donc j'en ai racheté une 320 gigas chez Micro et à l'intérieur j'avais Modern Warfare 2. Donc que j'ai pris, j'ai donné avec ma vieille console à un de mes collègues. J'ai dit tiens cadeau, je te le donne. J'en veux pas. J'ai testé, j'aime pas. Te comprends tous. Voilà. Oh, ok. On va profiter pour dire un petit bonjour à Cédric quand même. Ah oui. Salut Cédric. Salut Céd. Grand fan de Call of. De Call of et grand collectionneur. Ouais. Énorme collectionneur. Ok. Son poids. Non. Non, je parle pas de son poids. Non. Bon, on va passer au sujet du jour. La prochaine fois, on présentera un jeu chacun. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'était vraiment pour le premier épisode, voir que les personnes sachent à peu près dans quel type de jeu nous on fait nous-mêmes. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on va approfondir le sujet. Puisque justement, on va un petit peu parler de nous. On va en fait simplement se poser des questions. On a préparé des petites questions. On a aussi eu quelques petites questions de nos auditeurs qui nous ont envoyé ça sur Facebook. Et on va commencer en fait. Allez, je vais commencer. Petite question. Qu'est-ce que je vais mettre en fond étant donné que je n'avais pas prévu de vidéo pour le dossier? Bah, tu mets juste la capture du dossier. Et d'ailleurs, je précise, hein, Facebook, c'est le réseau social, hein, c'est pas un site un petit peu bizarre. FE2SE, plus loin, bouquin. Mais bravo, monsieur. Bravo. Allez, cadeau, ça. Là. Je vais te poser une question, puisque c'est ça. Est-ce que t'es toujours aussi con? Non, ça, j'ai la réponse déjà. Waouh, tu sembles très inspiré. Qu'est-ce que j'aime bien pouvoir poser comme réponse? Alors, eh ben quel personnage de jeu vidéo serais-tu? Et pourquoi? Mon bon machin truc. Moi? Ouais, Nathan Drake quand même. Je me vois bien en aventurier, faire le con un peu partout avec mon pote Sully, trouver des trésors mais jamais les empocher, puis de temps en temps me taper les afficheurs, quoi. Alors, tu te vois en meurtrier de masse? Ah non, pas oui, alors oui, je n'aime pas cette. Pas meurtrier de masse, attends, quand tu tues 1300 personnes par un épisode, c'est pas meurtrier, c'est un génocide que tu fais. Non, moi je suis désolé, moi je. Alors, j'ai joué qu'au 2, hein. J'ai un peu commencé le 3, mais bon, ça suffit. C'est bon, mais j'ai vu hein, des lives, donc en moyenne, hein, voilà, c'est ça, c'est 2 à 300 personnes tuées par épisode, et bon, je suis désolé. 800. C'est 800. Ouais, moi je sais que le premier quand j'ai regardé mes stats, c'est ça, le temps que j'ai peut-être dû en buter 800. Ouais. Alors moi, je suis désolé, mais quand t'es un gars comme ça qui va chercher des trésors, qui est aventurier, le mec a buté l'équivalent d'un petit village du Loir-et-Cher. c'est quand même pas normal. Ouais, mais t'as buté aucun animal aussi. Brigitte Bardot est contente. Oui, voilà. Bon. Moi j'aime bien Lara Croft, elle bute des animaux, bon voilà. Des animaux en voie de disparition, ou déjà disparus. C'est ça. Normal. Oh mon dieu, un T-Rex. Boum. Oui voilà, c'est ça. Donc voilà, ok d'accord. Eh bien vas-y, pose une question. Qui moi? Bah attends, qu'est-ce que je vais te poser? Attends, je les avais vus, tiens, là, ils sont là, bon. À moi ou à Ephraim, hein, comme tu veux. Ouais, non, tu vois, avec tu m'as bien pété les noix quand je commence à m'endormir. Tiens, quel est le jeu que tu détestes alors que tout le monde a... Non, celle-là, non. Elle est trop facile, celle-là. Slip ou caleçon? Super. Non, allez, si tu devrais vivre dans une série télé, ce serait laquelle? Ah, si je devais vivre dans une série télé? Ouais. Waouh. Ce serait dans That 70 Show. Ouf. Voilà. That 70 Show a glandé au sous-sol chez mes parents à l'âge de 16-17 ans, à fumer des joints et à écouter les Zeppelin. Bonsoir. C'est con. T'as bien une tête de Stark de Game of Thrones. J'aime pas. Toi, le Game papa Stark que tu vois au début, là, coupe la tête d'un fuyant que tu retrouves à l'épisode 9 au bout d'une pique. Eh ben, je vais poser une petite question à Ephraim, tiens. Oh, c'est bien, je me sentais un peu seul. Quel est ton pire achat de gamer? Mon pire achat de gamer, alors le pire, c'est que je l'ai acheté volontairement en sachant que c'était de la merde. Ouais. Parce que je me faisais chier un 1er janvier. Oui, je me fais souvent chier le 1er janvier. Et c'était le jeu vidéo NCIS sur 360. Voilà. Tu aimes te faire mal. Ouais, je savais que c'était de la merde. Alors à l'époque, justement, je regardais énormément la série. Je me suis dit, ce jeu doit être tellement merdique. Je vais le tester. Ça arrive. Surtout qu'en plus, quand tu regardes les personnages, ils sont encore plus mal faits que dans Virtua Tennis, quoi. Ah oui, non, ils sont immondes. C'est vraiment immonde, ce jeu. En plus, je crois que t'as 3 ou 4 enquêtes différentes seulement, qui sont plus ou moins liées. Mais les environnements sont vides, les personnages sont moches, les environnements sont moches. C'est une merde pas possible. Voilà, c'est le premier jeu qui me vient comme ça. Bien joué. Ok. Elle va te poser une question. Machin truc. Ouais. Tu préfères être au-dessus ou en dessous quand tu joues quand tu joues en split screen? Ça dépend si c'est moi qui ai la manette 1 au-dessus et quand j'ai la manette 2 en dessous. À l'ancienne. On a toujours appris ça comme ça, moi. Oui, c'est bien sur Mega Drive. À ce moment-là, tu préfères être premier ou deuxième joueur? C'est ça. Ça dépend quel jeu. Le chien. Non, généralement au-dessus. Je vais pas trop me plaindre, généralement, qu'on toujours l'habitude d'avoir l'écran du haut depuis que je suis gamin, donc là ça va. J'étais un petit peu perdu aussi pendant un moment quand tu avais la séparation, mais sur la verticale. Ah putain, ça c'était une saloperie. Ah, j'avoue que ça, la séparation sur la verticale, sur certains jeux ça peut passer, mais quand je vois, c'est pour Borderlands. Ouais. Pour Borderlands, tu as une séparation à la verticale. Ah ouais. Et sur des jeux de bagnole aussi, sur ce Verali, je crois, sur PlayStation, tu l'avais comme horrible, ça. Putain, c'est injouable, t'as aucune visibilité, tu passes ton temps à taper les murs. Et je crois que le pire jeu en split screen que j'ai pu voir, c'est Plants vs Zombies. Garden Warfare. Lequel? D'accord. Alors ça, c'est le 2 que j'avais fait justement, auquel j'ai joué avec ma chérie. Ah, tu l'avais fait en live. J'avais fait en live. Je posais la question. Ouais. Parce que c'est écrit en tout petit. Ils ont pas adapté la taille des polices sur l'écran de chaque joueur. Déjà, en plus, il y a des informations qui se répètent, mais en plus, c'est vraiment en minuscule. Et pour pouvoir réussir à lire les objectifs, par exemple, alors l'avantage du 2, c'est qu'on a possibilité de jouer, il y a plus ou moins un solo où il y a des missions différentes et on peut les faire à deux. C'est vachement bien. Sauf que quand le texte est en minuscule, tout petit comme ça, et que toi tu es à peu près à 3 mètres de ton écran parce que c'est la distance de sécurité pour éviter, parce que c'est une télé aussi, pour ouais, éviter c'est de ça. Ruiner encore plus les yeux que tu ne l'as déjà quand tu portes des lunettes. Bah le truc, c'est que tu ne vois absolument rien, et le pire, c'est qu'ils affichent ce message sur les deux écrans du split screen, alors qu'ils auraient très bien pu le mettre en plein milieu et ça serait passé nickel. Voilà. C'est un des problèmes des jeux actuels, hein, je trouve. Moi, je retrouve ça sur Sleeping Dogs. J'ai retrouvé ça sur le Xenoblade sur Wii U. J'ai retrouvé ça sur le jeu South Park, là, le bâton de vérité, ouais. Où tous les sous-titres sont mais minuscules. T'es obligé d'avoir la gueule sur la télé. Et bon, si j'y jouais sur ordinateur, bon, moi mon PC il est branché sur la télé, mais voilà. Si j'avais un écran de télé devant moi, ça pourrait passer. Mais des jeux consoles, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était trop loin. Moi, je me déchire les yeux et au bout d'une demi-heure, j'ai mal au crâne, quoi. Aussi, il y a un truc qui est super bien gaulé, que ce soit dans n'importe quel jeu, que ce soit monde ouvert ou autre, c'est quand tu fais une action, les gars sont en train de parler en même temps. Donc, sur Sensro, par moment, tu conduis une bagnole, les gars rencontrent leur vie. Et là, tu fais putain, tu fais quoi? En anglais sous-titré. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai lâché de guerre. De quoi? Je m'arrête et je lis ou je continue et j'oublie une partie. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, Sleeping Dogs, avant de commencer une mission, je suis dans une bagnole avec un mec, ben je m'arrête. Je m'arrête au feu rouge. Et j'écoute le monsieur. Tu mets ton clignotant pour tourner, puis tu respectes les limitations de vitesse aussi. Voilà, c'est ça. Je mets mes warnings, je m'arrête. Non, mais c'est infernal. Donc, machin truc, quelle est ta question? Waouh. Waouh. Mais c'est au silence, quoi. D'ailleurs, c'est sur le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah non, y a pas de souci, c'est parce que vu que je suis un petit peu aussi occupé de l'autre côté, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Ouais, quels sont les autres podcasts pardon, que tu écoutes? Et je vais vous laisser 30 secondes. Je reviens. À qui pose la question? On n'a rien entendu. Bah écoute, moi j'écoute comme podcast, j'écoute Brocast, que j'ai écouté encore aujourd'hui, comme toi. Et puis, j'écoute le podcast MO5.com. D'accord. Que je trouve vraiment passionnant. Et ils ont vraiment des invités de marque à chaque fois. Et c'est hyper intéressant. Et puis, j'ai, alors c'est Jeux de Pixels. En fait, que j'ai pas encore écouté. Je l'ai sur mon téléphone. Le problème, c'est que moi, avec mon boulot, je fais beaucoup de route. Donc, j'écoute les podcasts en voiture. Le truc, c'est que au niveau du son de jeu de pixels, j'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. J'arrive pas à comprendre. Et quand je mets plus fort, c'est trop fort tout de suite. Donc voilà, donc c'est pas de leur faute, hein. C'est moi et c'est ma bagnole pourrie qui mon Kangoo qui a un moteur tout pourri. Mais bon, je change ma bagnole la semaine prochaine, donc peut-être que ça ira mieux. Peut-être que je pourrai vous écouter. C'est ça. Voilà. Bon, je vais répondre moi aussi à la question, vu qu'il a ciblé personne. Ouais. Alors moi, je vais faire une liste assez rapide, hein, vraiment des abonnements que je peux avoir. Je regarde en même temps sur mon téléphone parce que moi, j'écoute dans les transports en commun, vu que j'ai 2 heures de trajet par jour. D'accord. Aller-retour, donc ça va. Vive Paris. Oui, voilà. Mais encore, comme je disais, en fait, je prends toujours le chemin le plus long, comme ça, je suis sûr d'être assis. Donc, dans l'ordre, il y a Brocast, il y a le podcast de Gamekult, Gamerside, La Case Rétro, L'Épée Légendaire, ZQSD, L'Étolier, Au Bas Gauche Droite, Sega Legacy, et voilà. Voilà, moi, j'écoute vraiment énormément de podcasts différents, vu que, je bouffe 2 heures de podcast par jour, donc, Non, tu bouffes 2 heures de podcast par jour? Bah oui, 2 heures de trajet, donc 2 heures de podcast. Tout en jouant, Tout dépend des jeux. Par exemple, là, actuellement, je suis sur, Pokémon Ruby Omega. Bah, franchement, la musique, elle est sympa, mais au bout d'un moment, je me fais chier, et donc, tout en jouant, en fait, j'écoute le podcast. Par contre, par exemple, quand je joue un visual novel, comme, justement, j'ai pu en parler tout à l'heure, Zero Escape 3, là, je peux pas écouter, en même temps, essayer de lire de l'anglais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas possible. C'est compliqué, ouais. Et la plupart des jeux que je prends, vraiment, sont, j'ai pas spécialement besoin d'entendre ce qui se passe, donc j'écoute du podcast en même temps. D'accord. Ok, bah, et toi, alors, du coup, machin truc, t'écoutes quoi? Moi, podcast. J'écoute un podcast. Les micros un peu plus proches. Voilà. Voilà. Bon, moi, je suis classique. Hein. J'écoute les podcasts de. De Creepers. Donc, parce qu'on a des geeks qui fait des émissions, notamment sur la musique des jeux vidéo qui sont hyper bien foutu. Donc, est-ce qu'il le fait toujours? Bah, là, c'est les vacances, donc moi, d'accord. J'avais chopé pas mal de retard, vu que... Parce que moi, je les avais écoutés aussi, mais ça fait déjà un moment, et je me demandais s'ils continuaient, parce que c'est vraiment des super podcasts. Hein. Ouais, le dernier, enfin, un des derniers, notamment, Sega versus Nintendo, ouais. Est vraiment sympa, d'ailleurs. Un podcast aussi que j'écoute régulièrement, même si ça fait un petit moment que ça existe plus, ça s'appelait Musax. Je vais essayer de retrouver le site internet. Là, je vais vous passer sur le forum, en fait. C'est pareil, c'est une des premières émissions que j'écoutais en podcast il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est pareil, voilà, ça retrace l'histoire du jeu vidéo à travers l'évolution des bandes audio. Donc, voilà, donc le lien est là et c'est vraiment pas mal quoi. On retrace notamment aussi des sujets qui sont très peu abordés, je trouve, qui est notamment la petite guéguerre Atari ST versus Amiga Commodore, qui est juste génial. Pour moi, ça c'est l'Amiga 1200 est mon Graal quoi. Je peux vous passer des musiques, vous les écoutez, vous voilà. Moi, je sais que à l'époque j'avais une Mega Drive, j'écoutais ça à côté. J'avais la mâchoire qui se décrochait quoi. Donc voilà. D'accord. Que j'écoute en podcast. Après, classique, hein, de mes amis de Sega Legacy pour lesquels j'écris. Donc mes souvenirs de gamer. Ah voilà, Sega Legacy, c'est les meilleurs. Donc un gros coucou à l'ami Manji qui j'espère va écouter ce podcast en rediff. Donc voilà, aussi ceux de Jeux de Pixel, donc sur lesquels aussi mon article sur l'évolution des sauvegardes est posé. Ah bah ouais, hein, je fais la pub à tout le monde. Hein, et Manji vraiment... participe aussi, il me semble. Voilà, oui, Manji il est un petit peu partout. Là, pareil, là, il va se mettre également à faire du Twitch pour Sega Legacy. J'avais commencé un petit peu il y a quelques mois, mais bon, avec mon emploi du temps qui est pas forcément évident. Et le fait que, entre guillemets, je suis pas encore super à l'aise d'un point de vue vidéo et entre guillemets, voilà, ça se met tout seul au fur et à mesure. Puis voilà, avec quelques-unes de ses copines, c'est un mieux des signes de mire. Donc non, ça va le faire. Pensez que je commence qu'un des jeux forcément frame aussi, mais qui est pas non plus un jeu hyper hyper facile. Oh les putain, mon microphone me fait des trucs bizarroïdes. Oui, vous m'entendez encore ou pas? Oui, on t'entend. Et à des moments, donc, ça coupe un tout petit peu, mais on comprend l'idée. Voilà, ouais. Donc, Bonjour les copains, hein, je pense toujours à vous, je vous écoute régulièrement. De toute façon, on t'a lâché quand t'as parlé de ta Xbox tout à l'heure. On t'entend plus depuis. Très bien, très bien. Qui va poser la question? Vas-y, hein. T'en as eu, François. Eh bien, Ephraim, quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans un jeu vidéo? Toi qui es très histoire. En anglais. Je suis très histoire, mais après, le souci, c'est que j'oublie aussi très vite. Ta première fin de jeu vidéo, c'était laquelle? On va y arriver. C'est peut-être celle-là qui va te plus marquer. Ah putain, la première. Ça commence à remonter. Non, je dirais Mario. Une séquence qui vraiment m'a marqué. Je reviens sur The Last of Us. Donc c'est à la fin de l'introduction. De toute façon, ça fait un moment qu'il est sorti, donc je peux spoiler un peu. La fin de l'introduction, ou simplement, donc la fille de du personnage principal meurt. Attention, mauvaise foi arrive. Oui, je pense bien. Mais moi, personnellement, ça m'a fait tellement mal parce que bon, même si à l'époque j'étais pas encore papa, le truc c'est que moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment énormément dans tout ce qui est film, série et jeux vidéo. En fait, c'est la relation en fait père-enfant. Et voir cette scène m'a un peu fait mal d'un coup, quoi. Bah, je pourrais en parler aussi parce que moi c'est comme tout, moi ce qui m'a surtout le plus surpris c'est que la fille de Joël, c'est que tu la joues pendant quasiment la toute première demi-heure. C'est ça. Donc tu commences à apprendre en main, etc. Donc moi entre guillemets j'avais rien vu de The Last of Us parce que c'est un des jeux que je voulais faire, hein, pour éviter les spoils et autres. C'est comme Uncharted 4, j'ai regardé aucune vidéo. Entre guillemets, au départ tu tombes d'eau, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc voilà, attendez, madame, je te rappelle. Pas moi. Moi, je vais juste vous raconter rapidement comment je l'ai pris, ça. Moi, je suis un peu con, apparemment. Je suis plus très bon public, j'ai l'impression. Moi, j'avais envie de le faire aussi, The Last of Us. J'ai commencé à y jouer. Donc, on commence, en fait, on est une petite fille. On bouge dans l'appartement. Bon, il y a des cinématiques, etc. Bon, on est avec son père, on est dans une maison et tout. On se réveille. On cherche son père. Il me semble qu'il y a un peu, il y a de l'orage, tout ça. On est très dans l'ambiance. On descend, on voit son père. Il est en panique. Qu'est-ce qui se passe? Toc, il y a des zombies qui arrivent. Bon, c'est un peu le bordel. Il y a l'oncle qui arrive et tout. On prend la bagnole, on s'en va. On avance tout droit parce que dès que tu veux te barrer dans des endroits, dès que tu veux tourner à droite ou à gauche, il y a des accidents. Donc ah super, non, tu dois aller tout droit. Bah, c'est scripté. C'est comme ça qu'on veut. Donc on va tout droit, ok, d'accord. Et puis après on se retrouve dans la montagne. Et puis voilà. Et puis on est un peu dans l'action et tout. Et là il y a un mec qui arrive et bam, il tire sur la fille. Et là la fille tombe. T'as plus un bruit. Et depuis le début du jeu t'as pas une musique. Et là t'as la petite musique à la guitare sèche en arpège. Et là, j'ai ri. Oh, c'était là qu'il fallait que je sois ému. Oh, c'est mignon. Et là, j'ai fait merde. Putain, en fait, ce jeu n'est pas pour moi, quoi. D'ailleurs, j'ai continué et non, ça m'a saoulé, en fait. J'aime pas ce jeu. J'aime pas les Uncharted non plus. C'est, voilà, c'est le genre de jeu qui ne m'intéresse pas. Ce sont des jeux magnifiques, hein. Je comprends qu'on aime beaucoup, mais moi, j'accroche pas. Et The Last of Us, tu vois, moi, c'est le genre de jeu où je peux pas y jouer plus d'une heure à la suite. Au bout d'un moment, je suis tout pas aidé. C'est pas que je joue, mais je suis pas moi. On t'entend pas. Tu peux pas y jouer plus d'une heure parce que. Voilà, parce que après c'est. Après, ouais. Non, surtout que après, tu vois, l'ambiance me pèse un peu, je suis pas forcément hyper à l'aise et t'as un rythme super haché quand même. Comparé à Uncharted où ça va, entre guillemets, c'est non-stop action, là t'as des moments de pause, entre guillemets, avant que ça reparte où t'as pas mal d'exploration, puis voilà quoi. Moi c'est le fait que, voilà, c'est. T'as des coupures entre deux moments d'action qui me cassent un petit peu. D'accord. Ouais, je comprends. Moi, personnellement, je suis pas très. J'aime pas beaucoup non plus les jeux où je me sens oppressé. J'aime pas trop les jeux d'horreur, les jeux avec des zombies, les jeux. D'ailleurs, cette mode des zombies, ça commence à m'agacer. Mais j'aime pas ça. J'aime pas être oppressé, moi. J'aime bien être détendu quand je joue à un jeu vidéo. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien Mario. Bien Mario. Ok. Vu l'heure qu'il est, en fait, faire pas trop, ouais. Plus trop de questions, et puis après on va enchaîner sur les questions qu'ont posé Enrico et Krant. Ouais, bah on peut faire tout de suite. Hein. On peut le faire tout de suite, ouais, comme ça, justement, vu qu'on essaie de rester à peu près dans l'heure. Ouais, carrément. Ouais, on va faire ça tout de suite. C'est que je voulais poser une question et je voulais dire quels étaient nos jeux préférés, mais ça fait partie, c'est la question de Krant. C'est parfait. Quel est le jeu que vous préférez, Ephraim? Quel est ton jeu préféré? La réponse est très compliquée. Oui, c'est hyper compliqué parce que je ne suis pas l'homme d'un seul jeu. Oh. Mais c'est vachement difficile. C'est évidemment c'est une réponse qu'on va te donner et c'est une réponse qui peut tout à fait changer demain la semaine prochaine et voilà. Mais quel est le jeu là tout de suite maintenant si on me dit ton jeu préféré, tu nous dis quoi? T'as que je te laisse réfléchir, après moi je l'ai la réponse. Vas-y. Moi j'ai le temps de réfléchir. Bon, un peu, sur Mega Drive, mon jeu préféré. Ensuite sur la Saturne, mon jeu préféré. Non, je déconne. Ouais, d'accord. Alors. Non, il y en a. Bon allez, si je dois en retenir qu'un, moi à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, pour moi c'est Street of Rage sur Mega Drive, qui est tout simplement mon premier beat'em all. Donc. D'accord. Qui est top à 100%. Il y en a un ou deux, hein. Voilà, non, pour moi c'est. C'est que je dois en garder qu'un sur Net Desert. Hein. Voilà, le premier Street of Rage qui est magique. D'un point de vue sonore, voilà, sur Mega Drive. Console de cœur, hein, un jeu Sega, pour pas changer. Donc ça fera plaisir à mes copains. Hein? N'est-ce pas? Hein? Hein? Pardon. D'accord, ok, Street of Rage. D'accord. Ephraim a bugué, vas-y, toi, c'est quoi, François? En quoi, pardon? Non, c'est bon, j'ai trouvé. Mais... Vas-y. Ouais, à ce moment-là, je dirais Chrono Trigger. D'accord. Tout simplement. Parce que c'est un jeu vraiment qui m'a pas mal marqué dans mon enfance, parce que j'avais testé en émulation il y a pas mal d'années, justement. Et il y a. Ouais, 6 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans, je me suis racheté donc le remake DS. Pour moi, c'est vraiment un jeu, même si c'est un monde ouvert, c'est un monde ouvert. Chrono Trigger, c'est un RPG. Ouais. D'accord. Ouais, ça reste un RPG. Pour moi, ça rentre dans l'univers des mondes ouverts. D'accord. Parce que t'as quand même énormément d'endroits où tu peux te balader, t'as énormément de quêtes annexes. Ouais. Donc voilà. D'accord. Et, c'est vraiment un jeu qui m'a longuement marqué et justement du fait de ne pas de l'avoir traîné aussi longtemps entre quand j'avais 9-10 ans où je faisais l'émulation sur ZSNES sur le PC de mon père. Et, ah bah bravo monsieur hein. Ah bah là l'émulation, je toucherai jamais à ça. Bien sûr. Et le moment où justement je l'ai acheté donc sur DS quand il coûtait pas encore 80 balles. Oui. Moi aussi je l'avais acheté. Et tu l'as revendu. Et oui. Voilà, c'est pas bien. Et il aimait je pas. J'ai joué, j'ai revendu. Voilà. Hein. Ouais, t'es pas collectionneur toi. Ah non. Et justement pour moi c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué certainement du fait d'avoir passé autant d'années à ne pas y jouer en fait et rester sur ce souvenir et j'ai pas du tout été déçu en le refaisant et en le finissant. D'accord. Même bon, si j'ai bien galéré. Ouais. Il est bien long. Moi les RPG, les JRPG, j'adore ça. Et j'en ai pas fini beaucoup. J'ai fini Skies of Arcadia. Ça c'est. Et bien. Je crois que c'est tout. J'ai pas fini un seul Final Fantasy. Le meilleur jeu de Dreamcast, Sky of quoi Arcadia. Le meilleur jeu de Dreamcast au monde. Skies of Arcadia. Ouais. Ouais, ouais. Tu l'as vu en adaptation. Quelle est la différence en plus. La prochaine fois, tu vas faire le podcast en SMS. Tu peux taper, on va parler pour toi, ou limite, on va mettre une voix vocodaire, tu sais, qui sort du texte. Bah, j'ai un truc qui parle en morse. J'ai un forfait voyelle. C'est ça. Ouais, moi j'avais fait sur Skies of Arcadia, j'avais fait sur GameCube. Ouais. Et pareil, c'était avant qu'il coûte des prix. 80 euros minimum. Ah ouais, minimum, ouais, je dirais 120 moi même. D'ailleurs, okay. On peut retrouver un article sur Sky of Arcadia, sur Sega Legacy, écrit par moi-même. Ouais, non mais ouais, vas-y, fais ta pub, y a pas de souci. Hein. Ok, ouais. Alors moi, mon jeu préféré, c'est Les Experts sur PC. Les Experts, une aventure palpitante au cœur du crime. Revivez le suspense angoissant de la série télé. Ah, si. Ça a l'air même pire que NCIS en fait. Angoissant, un jeu qui tient sur 3 CD. Non, mon jeu préféré, c'est Rayman Legend. Mon style de jeu préféré, c'est la plateforme 2D. J'ai toujours été très Mario à fond, à mort. Rayman, je trouvais ça bien mais pas top. Le Rayman Origins, j'ai pas accroché parce que j'avais, je trouvais ça vraiment joli, mais le problème c'est que quand on tapait un ennemi, en fait l'ennemi se transformait un peu en baudruche et puis il fallait le retaper une autre fois. Enfin c'était chiant, ça cassait le rythme, je trouvais. Et Rayman Legends, pour moi c'est une grosse claque dans la gueule. On peut même les premières fois où on joue les niveaux, on peut aller très vite, on peut limite se la jouer speedrun au bout de 3-4 essais. Et c'est vraiment un jeu qui, avec un contenu mais gargantuesque, ce jeu est génial, il est magnifique, les musiques sont à tomber par terre, il est jouable. Je vais vous dire, après avoir joué à Rayman Legends, je ne peux plus jouer à un Mario. Surtout aux derniers Mario qui sont sortis, les Mario 2D. Moi, j'y arrive plus parce que quand on meurt, quand on perd une vie dans un Mario, pour recommencer là où on en était, c'est long. C'est putain de long. C'est au moins 30 secondes, quoi. Le temps de toutes les animations, de hop, l'animation quand on perd une vie, on sort de la map. Enfin, on est sur la map et tout. Hop, après, voilà, la map qui se raffiche. Hop, il faut re-rentrer dans le niveau. Il faut essayer de retourner là où on était. C'est beaucoup trop long, c'est fastidieux. Là, je crois que Nintendo, il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose au niveau de Mario, parce que moi, j'en peux plus. Et pourtant, j'adore ça. Et Rayman, c'est, tu meurs, tu réapparais quelques mètres avant, et c'est quasi instantané, quoi. Donc voilà, pour moi, Rayman Legends, c'est le top du top. Et je crois que je l'ai sur Wii U. Je crois que je vais, bon, il est un petit peu mangé, hein, mon chien. Moi, j'adore, mais mon chien, il aime pas. Je crois que le CD il doit être un peu mangé aussi. Donc je pense que de quoi ? À la base c'est une exclu Wii U, donc jouabilité à la tablette etc est vraiment est vraiment pensé pour ce jeu. Ouais. Donc le petit coup de poignard dans le dos quand même après d'avoir sorti sur toutes les plateformes et du coup vous retardez le lancement sur la console un petit après, peu moyen quoi. Après ils ont bien craché à la gueule de Nintendo, ils ont fait ah la Wii U non mais laisse tomber. Non, c'est moi j'ai, je crois que c'est l'origine que j'ai sur PS3 en version collector et c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais, j'ai pas super accroché. Bref, le Legend là, je l'ai trouvé à 20,9€ sur PS4. Je pense que je vais le reprendre. Voilà, juste un autre truc rapidement. Mon jeu préféré en multi, dès que j'ai des potes et dès que j'ai mon meilleur pote qui vient, Boomblox sur Wii. Donc là, c'est Boomblox Smash Party. Et il y a Boomblox normal. C'est un espèce de chamboule-tout, en fait. Ça a l'air con comme ça, mais c'est super bien. Il y a tout un système de points, c'est super addictif. La Wiimote répond plutôt bien. Et franchement, en fait, la dernière fois que j'ai vu mon meilleur pote, on a continué la partie qu'on avait commencé il y a super longtemps. Puis après, j'ai fait, bon, on arrête, on fait quoi ? On se lance un petit Mario Kart sur Wii U ? Ça a duré un quart d'heure. On s'est remis ça juste après. D'accord. Voilà, c'est un très bon jeu. Trop méconnu. C'est bon pour vous, les petits gars ? Bon, ouais, impeccable. Question suivante. Très bien. Ephraim ? Ouais. Tu reposes une question ? Petite question d'Enrico ? Ouais, je vais répondre à Enrico, en fait. Mais quelle était la question ? Alors, c'est la question qu'il m'a posée. Donc, avec tout. Ah, on n'a pas précisé les jeux qu'on n'aimait pas. Alors, les jeux qu'on n'aimait pas, ouais. The Last of Us. Il y a beaucoup de jeux que j'aime pas, on le sait, je suis un connard qui n'aime rien. Mais voilà, on va parler de. Voilà, je n'aime pas The Last of Us, tout le monde adore ce jeu, je ne prends pas de plaisir à y jouer. Voilà, point. Ouais, il y a un des jeux que je déteste le plus, pareil, c'est sans doute aussi mon pire achat de gamer, c'était Far Cry 2 sur PS3. Ah, Far Cry 2. Ce jeu est une daube sans nom. Le 1, le 3 et le 4 sont bien. Voilà, ouais. Limite, tu prends un épisode sur 3, ça suffit. Et d'ailleurs, j'étais assez sadomaso parce que j'ai repris le 4 sur PS4 au moment où j'ai acheté ma console et, entre guillemets, ça là, il est bien passé. Mais en fait, le 2, pour vous expliquer, ça se passe en Afrique. Ouais. Vous récupérez des armes qui s'enrayent une fois sur deux et qui vous explosent à la gueule sans prévenir. Voilà, tu chopes la malaria, mais donc de temps en temps, il faut que tu prennes des médocs, mais ça influe en rien sur le gameplay, à part devoir trouler une fois de temps en temps, mais en plein gunfight. Et pour tuer quelqu'un, tu traverses la map en butant tous les gens au point de contrôle. Donc le temps de traverser la map, tuer tout le monde, t'en as pour 45 minutes. Tu vas au bout, tu tues le gars, t'en as pour 5 minutes. Mmh. Après, tu retournes dans ton point de départ, mais tous les gens que t'as tués 5 minutes avant repopent automatiquement. Donc t'as qu'une envie, c'est de les étrangler. Et c'est comme ça sans cesse de A à Z. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je l'ai fini, hein, je sais pas comment, sans doute parce que je me faisais chier et que j'avais rien d'autre à me foutre sous la main. Mais ce jeu est une daube sans nom et je le déteste. C'est un des seuls jeux que j'ai revendu d'ailleurs. Sur PS3, ça doit même être le seul que j'ai revendu. Ok, moi, et Ephraim ? Moi personnellement, c'est plutôt un genre dont je vais parler. C'est tous les jeux qui ne sont pas un minimum dirigiste. Parce que moi personnellement, tout ce qui est Elder Scroll, ça m'emmerde parce que je me perds trop vite. Alors même si là actuellement je suis en train de retenter Skyrim, ouais. Parce que du fait de la sortie donc de la Legendary Edition là avec le pack HD qui va être vendu donc avec les mods créés. Avec un mode HD qui a dû être créé par un fan, mais qui est beaucoup moins bon que la plupart des mods que tu peux trouver sur Internet. Je me suis dit que j'allais retester, hein, pour voir si je pouvais m'y intéresser, même si je pense que je doute un peu de la chose. Donc tout ce qui est vraiment un monde ouvert, tout ce qui manque de dirigisme, ou alors les jeux à la Dark Souls. Voilà. Ouais, parce que ça c'est juste pas possible. Voilà, c'est autant. Tu n'aimes pas te prendre des coups de pied dans les testicules régulièrement? Non, pas régulièrement. Et mais par exemple, moi j'ai adoré Super Meat Boy parce que même si tu crèves en permanence, c'est pas pareil. C'est immédiat, t'as pas c'est de ça. Perte de progression, t'as pas de, enfin voilà, c'est vraiment, j'ai aucun souci avec le fait du Die and Retry. Ouais. Mais j'ai aucun souci avec ça, mais juste pas à ce point-là, pas à partir du moment où tu me fais pas perdre ma progression, quoi. Voilà, par exemple, justement, j'avais fini en live Titan Souls. Qui est un jeu, mais d'une difficulté monstrueuse. Belle performance, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est une difficulté monstrueuse, et pourtant, justement, j'ai vraiment kiffé le temps que j'ai passé dessus. Bon, je me suis bien vénère aussi. Mais parce que, justement, j'avais pas de perte de progression, etc., quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait tenir. Voilà. Ok. Donc, on va se finir avec les questions d'Enrico. Oula, finissons-nous avec Enrico. On va se finir avec Enrico. Donc, la question qu'il m'a posée, c'est: il paraît qu'Ephraim serait un vampire et qu'il ne supporte pas l'exposition au soleil. Pouvez-vous nous éclaircir cette rumeur? Alors, je vais éviter de trop te l'éclaircir, sinon je vais fondre. Mais pour expliquer, je sors sous le soleil avec 29 degrés avec un manteau en cuir. Tout ça pour éviter justement d'être touché par les rayons du soleil parce que je ne supporte pas ça. Et effectivement, un certain jour, à un certain barbecue où je ne portais pas de manteau en cuir, où j'étais juste en simple t-shirt comme ça, j'ai fait juste une énorme insolation et j'ai dû aller me coucher pour réussir à revivre. Donc Et tu as enregistré un podcast juste derrière, je crois. Hein. Juste derrière, oui. Je me suis enquillé des bières. Ah, c'est ça. Il fallait bien se remettre. Hein. Je le mal par le mal, monsieur. Et donc, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais j'évite le plus possible le soleil. Je me sens beaucoup mieux la nuit. Je suis blanc comme un cul, mais par contre, je ne brille pas au soleil. Ah, donc tu es quand même un vampire, mais tu n'es pas Twilight. Voilà. D'accord. Il est Buffy transformant en cendre. Quoi? Il est comme Buffy et après il se transforme en cendre au soleil. Ok, alors. Enrico qui dit: j'ai entendu dire que machin truc serait multicarte et écrirait des articles pour d'autres organisations. Pouvez-vous nous en dire plus? Je pense qu'on en a parlé un peu déjà tout à l'heure. Écouter le podcast là suffit à répondre à la question. Ouais. Voilà, vive Sega Legacy. Rappelle-nous. Voilà, en fait, moi. Enfin, j'en avais parlé aussi un petit peu dans l'épisode 1, en fait. Moi, à la base, je suis juste gamer, un petit peu dégoûté de ce qui se passe autour du jeu vidéo en ce moment. Et il y a quelques temps, je vais tout balancer, juste avant que je découvre le podcast, des bits et des pixels. Donc, qui m'a fait découvrir Bruno, justement, qui avait fait, lors d'un podcast sur les jeux vidéo, le message était clair, hein, si tu te lances pas, personne ne l'offre pour toi. Donc, je me suis dit, allez, banco, je me lance dans l'écriture, puis je vais voir ce que ça donne. Foutu pour foutu, donc j'ai commencé un petit peu à faire des articles via un forum, puis voilà, après j'ai rencontré Manji qui a mis mon premier article sur le site de Sega Legacy qui venait de se lancer justement. Je sais pas si vous m'entendez, hein, ou si je parle dans le vide. Donc voilà, non, parce que j'entends silence de cathédrale derrière. Ah, mais c'est parce que c'est très les soucis, ça, avec les soucis de micro que j'ai eu tout à l'heure, donc on te le dirait, hein. Voilà, on t'entend plus, connard. Donc voilà, donc j'ai commencé à écrire ensuite régulièrement sur le site de segalegacy.fr. Donc où j'écris donc justement un peu comme ce soir où je partage mes souvenirs de gamer entre guillemets d'enfance quoi, parce qu'il y a des jeux qui, entre guillemets qui te marquent à vie. Puis en jouant donc notamment à Tomb Raider, pas la définitive édition, mais quand j'avais acheté sur PS3 peu de temps après un DLF frais. En fait, on commence à t'entendre un mot sur deux. Allô. En fait, je me suis rendu compte que les jeux vidéo étaient de plus en plus faciles avec la gestion de sauvegarde automatique qui te permet tout et rien. Donc j'ai dit, ça date de quand cette merde. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à gratter, puis c'est sorti un article de 20 pages, 25 pages Word bien tassé, qui retrace l'évolution des sauvegardes, quoi. Donc tu dis, effectivement, en 30 ans, passé pas mal de choses, et tu dis, là, pas forcément des plus glorieux quand tu vois ce qui se passe actuellement. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire, vous avez du temps à perdre, vu que c'est le mois d'août, il n'y a pas énormément de taf, donc vous allez sur Jeu de Pixel, donc tout attaché, vous le tapez dans Google, vous tapez machin truc, vous tombez dessus. Vous allez sur Sega Legacy, vous tapez machin truc 76, vous tombez sur mes articles. J'ai aussi écrit un article sur les petites consoles génériques, donc qui est pour moi une superbe alternative à l'émulation sur un téléphone portable, sans éventuellement en parler en détail. Du jeu mobile, parce que pour moi il y a à boire, à manger, c'est relativement vaste, puis si je commence à rentrer là-dedans je peux y parler pendant 2 heures. Donc voilà, donc tu pourras en parler pendant 2 heures, mais on entendra toujours qu'un mot sur 3, je pense. Ouais, mais après c'est pareil, parce qu'apparemment ça viendrait uniquement de Skype et pas forcément du micro, du podcast. C'est pas le micro, c'est donc voilà, c'est peut-être Skype qui merde, donc à voir. Donc ça vient du micro de machin. Okay. Ok, bon, pourtant j'ai investi dans un bon casque que m'a conseillé le petit rouquin qui est là-haut. Qui est là-haut? C'est pas rouquin, qu'est-ce que tu racontes? Ah, t'as des reflets, t'es blond vénitien alors. Ouais, non, alors, non, mais c'est pas le casque. Avec vous, les machins trucs 76, vous tombez sur les articles, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Donc voilà, donc infiltré peut-être pas, je suis juste un grand passionné qui est maintenant au lieu de... dire tout bas en commentaire, le dites fou à travers le podcast, quoi. Et c'est un peu aussi le principe de notre pod, justement, de le faire en direct. Comme ça, c'est plus facile pour échanger avec vous. Et puis, si vous êtes pas content, vous le dites tout de suite, hein. Vous n'allez pas attendre un mois et demi de prendre le changement. Et ouais. Ça, c'est cool. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, une dernière question pour moi. Donc, j'ai entendu dire que Franco n'aimait aucun jeu vidéo. Et qu'il serait en fait membre de Famille de France, infiltré dans le milieu des podcasteurs jeux vidéo. Mythe ou réalité? Je n'ai pas trop le droit d'en parler. Voilà. Si, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'adore ça. J'aime tous les jeux vidéo. Vraiment, je suis fan, à fond, à mort. Mais si, j'aime les jeux vidéo. J'aime pas les endives. J'en mange pas, je fais pas des podcasts dessus. Bon, ben voilà. J'aime les jeux vidéo, j'y joue tous les jours. Et je fais des podcasts dessus. Il y a beaucoup de jeux vidéo, c'est vrai, que je n'aime pas, surtout des jeux actuels. Je trouve qu'on se fait chier beaucoup aujourd'hui sur des jeux triple A. Pour moi, le jeu vidéo a les mêmes symptômes un peu dégueulasses que le cinéma américain. C'est qu'on est capable de nous pondre des films sur... tous les films Marvel, c'est de la daube. C'est plutôt sympatoche à regarder, mais fondamentalement, c'est nul, quoi. À part peut-être Iron Man à l'époque, peut-être Avengers, le premier. Mais sinon, tout le reste, c'est des grosses machines, des grosses productions. Ça t'en fout plein la gueule. Mais en fait, quand tu essayes de t'intéresser, de regarder un peu l'histoire, c'est vide et c'est nul. Le gros problème, c'est la grosse production de masse, en fait. C'est ça, il faut plaire au plus de gens possible, donc il faut lisser, quoi. Un concept marche, donc il faut sortir le plus vite possible quelque chose qui soit exactement dans la même veine, quitte à tronquer dans tout ce qui est scénar, gameplay et autres, quoi. Et puis, c'est conceptisé quand même les petits. Je crois qu'ils ont pour le 4 Fantastique, peut-être le dernier qui est sorti de. Les 4 Fantastiques, je crois. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, ouais. Et normalement, le dernier qui est sorti devait être totalement différent, mais Marvel, ou je sais plus quel, le studio qui est derrière, a fait rejouer les scènes 6 mois après. Donc les gars, ils ont plus du tout la même coupe, vu que ça leur plaisait pas, quoi. Donc au final, voilà, le film est totalement différent de ce qu'il devait être au départ. Le producteur, lui, s'en est pris plein la gueule parce que les critiques, notamment, ont descendu le film, et lui, il y est absolument pour rien, quoi. Apparemment, Suicide Squad, c'est un peu la même chose. Ils se sont dit, oh mon dieu! Oh, en fait, il est pas drôle, le film. Ah, vite, revenez, on va filmer des trucs drôles. Et puis ils ont filmé des scènes drôles, ils les ont foutues dedans un peu à coup de pied, comme ça. Et puis, apparemment, c'est pas terrible. Moi, j'y suis pas allé le voir, moi, je vais pas foutre 10 euros. J'essaierai de le voir quand même, en fait, mais Ok, tu nous diras ce que c'est. Téléchargement.com. Justement, j'évite maintenant le téléchargement, tout simplement, depuis que je travaille, hein. Voilà, j'évite, je fais partie de ces personnes qui, à la base, téléchargeaient, mais en masse comme pas possible, et en fait, je me suis rendu compte que, je téléchargeais beaucoup de jeux vidéo, notamment. Et en fait, entre le moment où j'avais très envie de télécharger mon jeu vidéo, que je le téléchargeais, que ma connexion de merde ne me permettait pas d'y jouer avant une semaine, et le moment où je l'installais enfin, et là, je commence le jeu, et là, je fais. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ça faisait pareil un aussi peu. Simple. Maintenant, le truc, c'est que maintenant j'ai la fibre depuis une semaine, mais quand j'avais la DSL, en fait, j'achetais mes jeux sur Steam, je mettais une semaine à les télécharger, et la seule différence, c'est que je les payais, donc je me disais, je vais peut-être aller un peu plus loin que les 15 premières minutes, comme ça, je vais un peu voir ce que ça donne, et puis. Exactement. C'est exactement ça. C'est un peu le problème, mais ça c'est un débat. On en reparlera peut-être podcast. Le prix qu'on paye. Moi maintenant à trouver des jeux à 2-3 euros et en avoir des armoires complètes. Et moi j'y joue pas. Donc ça m'intéresse plus. En fait, je préfère en avoir 2-3 que j'ai payé 60 euros chacun. Et au moins je vais les torcher. De quoi ? Tu les as payés 60 euros les experts. Les experts, tu sais combien je l'ai payé ? J'ai payé 1 euro. J'ai payé 1 euro, c'était à l'époque où je voulais faire, que je faisais les lives sur les séries télé. Les jeux tirés des séries télé. J'avais fait Buffy, j'avais fait. K2000. J'avais fait K2000, j'avais fait Starsky Hutch. Xena sur PS2, le truc était vide. Oui, Xena sur PS1 et PS2, ah c'était génial. Xena sur PS2, putain. Le truc est, tu te balades, oh, la merde. Un château vide avec 3 cartes au milieu. Ah c'était vilain. Et du coup celui-là, comme il est sur PC, en fait j'ai jamais réussi à l'installer parce que c'est quand même un jeu qui tourne avec tout QuickTime. Oh putain. il me fallait un Pentium 2 300. Windows 10, il a fait aïe. Qu'est-ce que t'essayes de m'insérer là? Donc voilà. Donc oui, évidemment, j'aime les jeux vidéo mais pas tous. Je suis très très sélectif et j'en ai rien à foutre de Famille de France. Voilà. Ok. Bon, on arrête là. Ouais. Ça fait je vois sur notre conducteur qu'il y a marqué Ephraim parle de la punaise dans le nez et du tatou malabar. Je l'avais oublié ça sur le conducteur. On le garde pour une prochaine émission à la limite. Ouais, ok. Ça marche. Tu le mets dans la casserole, tu rajoutes un micro. Ouais, à la limite, pour l'outro, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une petite anecdote personnelle. Il y a un de nous qui balance une anecdote personnelle. Ah écoute. C'est l'heure de l'outro. Allons-y. Non, là, je vais commencer avec le coup de la punaise dans le nez. Vas-y. Parce que simplement quand j'avais 3-4 ans, quelque chose comme ça, bon en même temps ça commence à remonter donc je me souviens plus très bien l'âge que j'avais, simplement je me suis foutu une punaise dans le nez comme un con quand j'étais en maternelle, donc simplement j'ai chopé une punaise dans la classe, je l'ai calée dans mon nez et ma mère s'est demandé pourquoi je criais à chaque fois qu'elle me mouchait pendant la semaine, et un jour simplement en fait elle a pris une pince à épiler pour essayer de voir ce qu'il y avait en fait, et quand elle a regardé elle a vu un gros truc vert dans le fond de ma narine. Et donc, elle est partie à la pince à épiler pour pouvoir me la retirer. Voilà. Eh ben, bravo, monsieur. À savoir que je rapproche ça d'un fait qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, où en fait, j'avais des écouteurs in-ears. Donc, j'ai toujours des écouteurs quand je suis au travail. Et sauf qu'à un moment, j'ai voulu enlever l'écouteur, sauf qu'en fait, le machin en caoutchouc est resté à l'intérieur de mon oreille. Voilà, je pense que j'aime bien m'insérer des choses. Ouais, t'as assis sur quoi, là? On peut pas en savoir plus. Le truc en fait, c'est que j'ai essayé de retirer moi-même l'écouteur, sauf qu'en fait les ciseaux ça fonctionnait pas très bien dans l'oreille, et donc je suis allé acheter. C'est n'importe quoi, monsieur. Ah non, mais je pourrais faire un camoulox de ma vie. Et le truc, c'est que j'ai dû acheter une pince à épiler à la pharmacie juste à côté pour que mon collègue de bureau puisse me l'enlever. Donc voilà. Donc c'est toi qu'on voit sur la vidéo YouTube. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Je fais des choses bizarres. Voilà. Allez. J'ai un truc dans l'oreille. Bon, bah, fais péter la graffeuse. Ah, j'ai les oreilles décollées, attends. Excuse-moi, je balance très vite la dernière anecdote du Katou Malabar. Bah, vas-y, hein. Tant qu'on y est. Tant qu'à rester dans les ciseaux. Et puis, on va se avec ça. Et le truc, en fait, c'est que quand j'étais gamin, encore une fois. J'ai fait des expériences bizarres quand j'étais gamin. J'ai fait des expériences bizarres avec mon corps. Simplement, en fait, j'ai simplement pris un tatou malabar que je me suis mis sur le bras. Et en fait, je l'aimais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Bah, j'ai pris les ciseaux. J'ai mis le dos des ciseaux et j'ai gratté pour pouvoir l'enlever. Ce qui fait que j'ai eu une bonne marque et je me suis fait un bandage avec du sopalin et du scotch. Voilà. Il était enlevé? Ah oui, il était enlevé. Bon, une partie de la peau aussi, hein, mais ça va, j'ai pas gardé de marque. Trauma Center. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était les anecdotes inutiles des frames. Ok, bon, bah dis donc. Sinon, je suis très sain d'esprit. Oui, voilà. Oh, j'en ai d'autres moi aussi, comme ça la con. Bah, vas-y. Allez, une dernière, allez. Ouais, une autre. En fait, mes grands-parents habitent dans le nord de la France, là où dès que tu passes le panneau il pleut, tu vois. Mon grand-père avait des moutons, et notamment un bélier. Et le jeu avec mon cousin, c'était de courir derrière les moutons. Donc une fois, j'y suis allé tout seul. Donc ils ont tous, mais il y en a un qui a fait une victoire. Je te laisse deviner c'est lequel. Et le problème, c'est quand t'as 3-4 ans, tu cours moins vite que le bélier. J'imagine, ouais. Donc je me suis fait défoncer, tu vois, c'était Interville dans la prairie, quoi. C'est mon grand-père qui l'a assommé avec un coup d'arrosoir. Ah, pas mal. Je vis la campagne. Voilà. Et on l'a bouffé la semaine d'après. Ok, d'accord. Bon, va très bien. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que mes deux collègues sont complètement ravagés. Mais j'ai pas d'anecdote comme ça. Moi, ça va pas, messieurs. C'est n'importe quoi. Ok, bon allez, écoutez, ben merci à tous, merci d'être passés sur le chat, sur le Twitch. Donc vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur Twitch et sur YouTube pour la rediffusion vidéo. À savoir que sur YouTube, ce sera quand même de meilleure qualité, je pense. Et si tout se passe bien, vous pourrez nous retrouver en audio sur PodCloud et iTunes. Si tout se passe bien. Le mieux, c'est aussi de liker notre page Facebook. Voilà. Comme ça, toutes les infos sont centralisées là, et puis vous aurez plus vite les informations sur le prochain épisode. Exactement. Et bien, merci les gars. Bah, merci à toi aussi. On va essayer de refaire un petit podcast assez vite. On va se trouver un petit sujet, et puis bon, on va discuter gentiment. Voilà. Exactement. Eh bien, bonne soirée Frem et bonne soirée machin truc. Bonne soirée à vous aussi. Et bonne soirée à tout le chat. Bonne soirée à tous. Ciao. Allez, salut. Ciao.